Oui, récent, tu comprends pas quand je parle, toi. C'est récent, le 6 octobre, le 6 novembre, pas octobre, le 16 novembre. Oui, j'ai vu passer, comme ça, hey, ça a passé, là. Mais tu sais qu'un 6, hein, c'est comme une petite bédaine, mais qui tombe vers le. Puis qui reste accroché à sa petite tête du 6. Le 6, la tête du 6. Parce qu'un 6, là, c'est une rondelle avec le petit crochet. Il est resté accroché sur. Je l'ai vu, il est resté accroché sur le crochet. Excusez-moi. Comment ça va? Là, tout le là. Là, le 6. On peut même pas. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Émance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le lundi 6 novembre. Bien sûr, la bédaine accrochée sur le. Monte le volume! Excusez! Monte le volume et hume la différence, c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Coucou, coucou! C'est encore moi? Encore moi dans le sens que... Il y a toujours un sens, hein? Puis ici, à partir de minuit, c'est le non-sens. Donc, le non-sens, c'est que merci d'être ici. Ça, c'est un non-sens d'être ici avec moi encore. C'est un non-sens de se dire « Hey, attention, là, déstabilisons-nous. Déstabilisons-nous. » Je suis heureux de l'avoir réussi, ce mot-là. « Déstabilisons-nous. » On va le dire une dernière fois. « Déstabilisons-nous. » Tout le monde ensemble, OK? Placez-vous devant votre radio, là, tranquillement. Bon, prenez ça relax, là. C'est la dernière de la semaine. Enfin, non, tombez pas avec votre... En bas de vos pantoufles, là. Faire mal à une cheville, là. C'est comme ça que ça commence. Tu arrives au boulot le lendemain, de, excusez-moi, là, si j'arrive clopin. J'ai écouté une émission à CKRL. Errance rénaldienne. Comment? Pardon? Errance rénaldienne. Oui! Et j'ai tombé en bas de mes pantoufles. Mais comment t'as pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? C'est simple. Mes pantoufles n'ont pas de talons. Je suis habitué de monter sur des talons, moi. Moi, je monte plus que sur des talons. Je monte sur des échelles. Je monte sur des trampolines. Je monte sur des idéologies insensées. Je monte sur des mots. Je monte aux barricades. Je monte pour mieux piquer du nez une fois par semaine. J'allais dire une fois par jour, mais une fois par semaine. Quoique quelques fois par jour aussi. Mais en tout cas, j'essaye que ce soit une seule fois par semaine. Et par la suite, je me laisse tomber la tête en bas. Je ne suis pas l'homme canon, le garçon canon. Je suis pas un canon. Ah non, je suis pas un canon. Mais... Oh, le canon de la beauté, là. Oh là là là là. Je suis peut-être le. Non, moi, je suis la boule, moi. Ah ouais, moi, je suis un boulet, là. Ah, je suis un boulet pour la société. Ah, oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais quand tu le sais, c'est intéressant parce que tu peux jouer avec ça, ce boulet-là, là. Hey, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, les prisonniers, on leur mettait un boulet pour pas qu'ils se sauvent. Ben, ils pouvaient se sauver, mais ça courait lentement. Là. Un peu comme dans un rêve. Pourquoi dans mes rêves, puis je suis pas tout seul? Même j'ai eu des courriels récemment. Les filles angoissaient. Parce qu'elles me rappelaient que lorsqu'elles faisaient leur jogging, lorsqu'elles font leur jogging, c'est au présent, courent pas au ralenti, mais dans leur rêve, au ralenti, puis là, leur stress, c'est « je perdrai pas de poids ». Mais là, c'est normal, tu perds pas de poids, c'est dans ton sommeil. Dans le sommeil, il faut que ce soit réparateur, là. Fait que moi, je vous conseille, si vous vous levez fatigué, il y a toujours des trucs, là. Moi, je suis là pour vous donner des tuyaux. Et là, dormez avec des clous. Non, faut pas cogner des clous, mais avec des clous et un marteau. Vous ne voyez pas venir, hein? Moi non plus, je ne me vois pas venir. J'avais l'idée, mais là, je le perds. Je perds tout ça, madame. Je perds la carte. La carte du monde, là, c'est plus à moi, là. C'est l'improvisation qui va gagner sur l'animateur. Attendez, couchez-vous avec un marteau et des clous. Ça, c'est quand vous vous réveillez fatigué. Réveillez fatigué. Et construisez-vous une bonne santé. Bon, ça pourrait être ça, mais non, le gag était super fort, là. Oui, monsieur. Est-ce que ça risque d'être comme ça pendant 153 minutes? On se le souhaite pas. Couchez-vous! On va l'avoir. Je ne lâcherai pas. Je ne lâche jamais le morceau, moi. Je vous l'ai dit il y a quelques émissions. Je suis comme un chien enragé, moi. Je tiens ça dans le micro, là. Couchez-vous avec un marteau et des clous. Et construisez-vous un bon sommeil. Bon, ça ressemble un peu à ça, mais c'était bien plus fort avant. Mais là, avant, c'est avant que je m'en rappelle plus. Puis quand tu t'en rappelles plus, ben quand tu travailles pour essayer de trouver le fil, ben les gens sont là, puis vas-y, vas-y, accouche, accouche. Mais je peux pas accoucher. Je suis même pas enceinte. Quoique les idées, moi, me submergent. On aurait dû placer... Au bord de l'eau. Imagine, non, le Titanic, OK? Le Titanic n'aurait jamais coulé si des individus et des individus... Non, il n'y a pas de deux individus. Individus, c'est mâle, femelle. C'est tout sexe, c'est mix. On mixe ça, là, puis moitié-moitié... OK, on place moitié-moitié sur le Titanic. Des intellectuels. Des philosophes, des écrivains, des gens qui sont là en pleine réflexion sur le monde. Comme ça, le bateau ne pourra jamais couler. Comment ça? Ben, tout simplement, quand t'es en réflexion, t'es branché en haut. Quand t'es branché en haut, là, t'as pas de poids. Les idées s'envolent. Donc, le Titanic n'aurait jamais cracher dans l'eau. Écoutez, si je vois quelqu'un cracher dans l'eau, moi, là, je vais le dénoncer auprès de la police. Hey, on vit assez dans un monde de poubelles, là, que au moins, gardons la mer intègre. Crachons pas quand je vois des plaisanciers qui sont déplaisants. On en voit-tu l'été des plaisanciers déplaisants? Ça tire leurs déchets dans la mer. La mère pleure. Elle se dit, je les ai mis au monde. J'ai attendu des mois et des mois et des mois. Je les ai envoyés dans l'eau. Je les ai propulsés pour au moins qu'ils puissent vérifier la beauté de notre planète, la nature. Analyser la nature, même contempler la nature. Puis c'est pas ça qu'ils font. Ils désagrègent. Crachent dans l'eau. Ça, c'est rien craché dans l'eau, là, parce que c'est. Ouais, vous allez me dire, l'eau attire l'eau, puis bon, c'est salé, puis même si l'eau n'est pas salée, la dernière fois, hein, la semaine dernière, les deux plages, plage salée, non salée, pas pire, hein? Avez-vous suivi la semaine dernière? Vous avez manqué ça? Oh! Public indiscipliné, je vous adore. On peut pas être toujours là, mon Reynald, là. On a des occupations. Ce vendredi-là, Edith et Jasmine devaient aller danser, devaient faire bouger leur beau corps. Devant une radio, c'est bien beau, là. Tu fais, non, mais ta musique est tout à fait enivrante, là. Moi, j'ai rien contre ça. Mais il faut se stimuler. Il y en a qui préfèrent se laisser voguer par les ondes radiophoniques. J'allais pas dire, mais ça sortit de même. Donc, on appelle ça sur la vague. Monter sur la vague, donc glisser sur la vague. On glisse pas. Les gens qui ont une planche, pas à dessin, là, mais une planche à eau. Ouais. Un peu comme un pédalo, là, mais sans pédale. Là. Avec une sorte de requin. Tu sais, les gens qui se tiennent sur des requins, mais pas vivants, puis sur la vague. Là. Pis tu dois regarder ça. Donc, faut pas qu'on envoie nos déchets là, parce que sinon, l'eau liquide va devenir solide. Dans quelques années, on va dire à nos enfants, « Hey, on va aller escalader la mer. » Papa, comment ça, on escalade la mer? Ben, anciennement, on pouvait voguer, mais là, c'est plus liquide, cette eau-là. Là. C'est rendu solide. Le monde a tout jeté leur cochonnerie. Ça ne se liquide... Oh, c'était bon tantôt. Ça ne se liquidifie plus. Ça ne se liquidifie plus. Hé, monsieur, comment ça se liquidifie plus? Hey, tu t'en offres, toi. Toi, là, tu te rends pas ça facile. Je le sais. Ça ne se liquidifie plus, donc ça devient solide. Je me souviens d'Arthur. Arthur Michaud, qui a fait pour la dernière fois de la planche à voile sur de l'eau qui, pendant sa promenade, son loisir le plus charmant. Puis lui, il aime ça parce que à chaque fois qu'il me revient, il revient de son périple. Il dit « Ah, je me suis évadé. » Alors là, il ne s'est pas évadé. Il a connu le liquide et le solide. En 30 minutes. Parce que c'est une fête nationale au mois de juillet. Aux États-Unis d'Amérique. Mon vieux copain, ancien coloc, est parti faire de la planche à voile. Il aime ça, la planche à voile. Parce qu'il y a le vent dans les voiles, autant dans l'expression que l'on dit avoir le vent dans les voiles, autant dans sa vie de tous les jours. Ce gars-là a le vent dans les voiles. Jamais fatigué, jamais grognon, il accepte la vie du bon côté. Il y a eu trois femmes. Ces femmes, malheureusement, ont eu des maladies. Elles sont décédées, mais il reste avec le sourire. Prends la vie du bon côté. Tu sais, un gars qui prend la vie du bon côté, il dit, « Ah, ben écoute, c'est pas pour rien que ça arrive. Je suis capable de vivre avec ça. Puis, ah, c'est pour moi aussi, c'est difficile, là. Mais j'apprends. La vie m'apprend des choses. Donc, les épreuves me rendent plus fort. C'est pour ça que, en ce beau mois de juillet, j'ai décidé... Oui, mais on n'est pas au mois de juillet, là, mon champion. On est au mois d'août. Ah oui, mais mon histoire, c'est au mois de juillet. Oui, mais là, tu risques de perdre mon public. Mais non, ton public, là, il est prêt à tout. Donc, au mois de juillet, début juillet, je me suis dit, pendant la fête nationale des États-Unis... Je m'en vais faire de la planche à voile pour m'évader. Je venais de perdre ma dernière femme, Georgette, 28 ans. Pas facile. Georgette, 28 ans. En tout cas, je ne vais pas me pencher sur mes émotions. Donc, je suis parti avec ma voiture. Direction. États-Unis d'Amérique. Mais quoi, j'étais en Amérique, ça n'a pas été compliqué. J'ai juste passé la frontière. Quand tu passes aux douanes, tout va bien. Là. Alors là, je décide de me lancer dans l'eau avec ma planche. Je pars, je me mets à courir, je vois la vague, je monte sur la vague, c'est merveilleux. Les goélands me chantent Alléluia en pyjama et j'avais le goût d'un bon lunch. Je m'étire le bras, je prends un goéland, je le dévore. J'ai dit, ça me rappelle un bon restaurant de mer rapide, une rôtisserie bien de chez nous, que je ne nommerai pas, mais qui est aussi rendu en Europe. C'est bon à s'en venir. Mais je ne lâche pas, donc j'avais une petite fringale. Je m'élève le bras, prends un goéland. Comme à l'époque des cavernes, là, puis le gars avait faim, ben il tuait son grisby, puis il mangeait le grisby. C'est pas un grisby, c'est un gizby. Gizme. Gizme. Oh, gizme. Je suis fou. Non, c'est kiss me. En tout cas. Kiss me. Adidoni. Sèche tes larmes. Déshabille-toi. Oh, cochon. Mais c'est que. Là, je monte la vague. Hein, la vague est en haut, tellement haut que je touche au ciel. Je prends l'oiseau. Je mange l'oiseau. C'est l'oiseau. C'est envolé. Moi, jamais. Et je le lâche pas avant de l'avoir tout dévoré. Je tire à la mer 3-4 plumes. Mais là, il y a 4 méga bateaux de vacanciers. Tu sais, comment t'appelles ça? Des bateaux, mais gigantesques, là. 3 étages, 18 bars, tout le monde est là. Ça chat, mon gars. Tu regardais ça au loin, là, puis ça houlait. Dans l'univers marin, vous savez ce que je veux dire, houler? Pas rouler, là. Pas rouler. Non, houler. Oulez-vous danser, grand-mère? Oulez-vous danser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps. Non, pas ce houlement-là. Non. C'est où? Quand ça bouge, là, c'est pas voulez-vous danser, c'est oulez-vous. Oulez-vous danser? Lâche-le, le oulez-vous. Danser le houliou. Danser le houliou. Ça va bien, madame. Ça fait que. Moi, j'en ai vu 3 ou 4. Des paquebots. Des paquebots géants. C'était presque 4-5 pays sur l'eau. Là, c'était le gros party, le beach party, je sais pas, parce que c'était la fête nationale, ça débouchait, ça tirait tout ça dans l'eau. C'était épouvantable. Et je voyais, plus qu'on tirait, plus l'eau se saisissait. Donc, du liquide. Mes yeux ont observé, ont vu, ont examiné, se sont rendu compte. Que le solide apparaissait. Puis pas à peu près. Puis moi, j'étais en planche à voile. J'ai dit, je vais piquer du nez, là. La vague, elle va arriver sur le morceau de ciment. La pollution. La poubelle était rendue dans la mer. Comme disait Houellebecq ou je ne sais pas qui, là. Le 6e continent, 8e continent. Je suis pas encore un continent, mais ça s'en vient, là. Là, je me suis préparé aux couches. Mais là, avant de vous parler de mon histoire de couches incontinent, là, je suis sur ma planche à voile. L'eau s'arrête presque, là. Je suis à quelques centimètres. Puis en arrière, en avant... Tout se durcit parce que les paquebots sont presque autour de moi, là. Presque, parce que là, je t'ai étourdi. J'ai dit, il faut que je contourne tout ça, puis voilà, pop, fini! L'eau n'était plus liquide, mais solide. Alors, j'atterris de nez sur des déchets épouvantables. 3-4 bouteilles, puis des canettes, et puis en même temps, des bouchons, des bouchées. Fracture de la mâchoire inférieure. Va pas à l'hôpital. En tout cas, l'oiseau que j'avais mangé s'envole. Puis là, j'essayais de l'agripper pour partir avec lui. pas capable. Tu sais, les gens disaient, ça n'existe pas capable. Ben oui, ça existe. Pas capable. P-A-S, pas capable. C-A-P-A-B-L-E, pas capable. Ça existe. Je viens de l'appeler. Pas capable. C'est dans le dictionnaire. Mais non, c'est vrai. Mais allez voir pas, mais ensuite, allez voir capable. Mais pas capable, c'est vrai que ça n'existe pas dans le dictionnaire. Au même titre que je t'aime n'existe pas dans le dictionnaire. Sauf dans le dictionnaire des conjugaisons. C'est soit je, pronom, et aimer. Donc, c'est pas je t'aime, c'est je aimer. J'ai aimé te rencontrer, ma chérie. Histoire de nous faire du plaisir. En ce beau mois de juillet. On n'est pas en juillet, on est au mois d'août. Hey, lâche-moi l'autre, toi. Lâche-moi l'autre. Sinon, tu vas faire banqueroute avec le reste, ma planche à well, les cochonneries, puis le solide de la mer. Donc, j'ai pris un solide coup, un solide coup, molly manonène, un solide coup, mami manodo. Ça m'a fait mal pendant 2 semaines et demie. Oh là là là là là là. Il s'en passe-tu des choses dans le monde? Eh, monsieur. Là, qu'est-ce que tu voulais dire à propos de... continent, les continents, la couche d'ozone de nos os sont fragiles, hein, ces temps-ci. L'important, c'est de boire du lait pour solidifier. Faut solidifier, là, vous allez vous dire, voyons donc, il part dans toutes les... Ben oui, c'est ça le but. Le but, c'est de se créer aucun but. Être tout azimut. C'est beau, azimut. Moi, j'ai le mot azimut, là. Il y a un Z, il y a un A, puis le Z, là, vring, comme Zorro. Je pense que ce qui m'excite dans le Z, c'est Zorro. Pas que Zorro m'excite, mais tu sais, l'être masqué, là, un peu comme « C'est le plus grand des voleurs. » Arsène Lupin. Hey, c'est-tu un gentleman, ce gars-là? Là, chez nous, on dit « il spot, il examine, il fait son repère. » Des lieux. Là, il ne prendra pas un bidouilleur de premier ordre. Là. Il va prendre la belle fille, là, l'étudiante ou la professeure de philosophie qui fait son jogging. Il n'y a pas de gne. Hein? Il n'y a pas de jogging. Non, c'est jogging. Pas pire, hein? Merci beaucoup. Non, elle fait son jogging. Donc, il examine les lieux. Il examine sa proie et je crois que sa proie lui plaît puisqu'il va faire tranquillement sa machination, son plan de match. Parce que ça, on le dit jamais dans les livres d'Arsène Lupin. Là. Il travaille sur le plan de match. Comment vais-je procéder? Pour de 1, entrer chez elle sans être entendu. Puis là, connaître un peu les lieux puis sa façon de vivre. Est-ce qu'elle va avoir un copain? Est-ce qu'elle a un chat, un chien, un poisson rouge qui va me sauter dessus? Parce que les poissons rouges, cette année, sont sauvages, hein, s'il vous plaît. Anciennement, on domestiquait le poisson rouge. J'en parle souvent des poissons rouges, mais on les domestiquait. Là, c'est fini, là. Coûte trop cher domestiquer. Hein. C'est bien beau, là, les éduquer, ces poissons-là. Là. Mais on les rend à l'état sauvage. Fait que tu t'achètes un poisson rouge, déjà là, dans le sac en plastique, il frappe dans tous les bords, puis là, le sac est presque en train de percer. Puis là, avec les années, tranquillement, tu te rends compte que tes poissons rouges commencent à avoir des dents. On dit que c'est le cours des choses. C'est le cours des choses. Ça, c'est le cours des choses. Poisson rouge avec des dents. T'sais, on disait anciennement, là, on va se marier quand les poules auront des dents. Mais là, aujourd'hui, en 2017, là, faut plus dire ça parce que les poules commencent à avoir des dents. Avez-vous lu les journaux scientifiques, les revues scientifiques, les sites scientifiques? Les poules commencent à avoir des palettes, c'est-à-dire des dents d'en avant, là. Les poules vampirisent les coqs. Pas n'importe quoi, là. Les poules vampirisent les coqs. Avant, c'était les coqs là, qui se promenaient autour des poules. Mais là, là, c'est la revanche des poules. Des petites poulettes, là, tu sais, des poulettes de luxe. Là. Attends un peu, toi, ça fait à peu près 25 ans que tu me cours après. Je commence à avoir des crocs. Je vais te mordre le cou, toi, je vais t'écorcher. Je vais tout se susauter pour t'enlever tes plumes, là, tes vieilles plumes de vieux guedons, de pitons, de vieux menus, de mini. Puis je vais aller suctionner tout ça pour donner à mes petits des crocs qui, pour eux, seront plus longues. Parce que là, ça commence, comme nous sommes la deuxième génération de crocs, plus ça va, plus les crocs grossissent. Imaginez-vous, dans 20 ans, les œufs vont sortir avec des pins dessus, là, des piquants. On va être obligé de prendre des gants parce que ça va ressembler à des porc-épics. Voulez-vous manger des œufs ce matin? Ah non, non, ah non, non. Hey, moi, là, regarde-moi les ampoules, j'ai sur les doigts. Là. J'ai fait un gâteau hier. Ils m'ont demandé trois œufs. La recette m'a demandé trois œufs. J'ai dit à la recette, es-tu malade, toi, là? T'as-tu vu nos œufs contemporains? Il y a des piquants là-dessus, on dirait un rosier, tu vois là, là. Les poules ont plus. On nous menace de partout. Avez-vous examiné le trou de pète aujourd'hui des poules? C'est rendu que le trou de pète des poules, là, ont comme des césures pour faire sortir les piquants. Comme ça, au début, ça faisait mal, mais ça fait plus mal. De génération en génération, là, ça grossit, c'est comme le reste. C'est pour ça que, en 1900, les hommes et les femmes étaient plus petits, puis au cours des années, ils ont grandi. J'ai pas hâte, heureusement, je serai pas là en l'an 3000. Le monde va même mesurer 8, 9 pieds, 10 pieds. Imaginez-vous les souliers. Ça va prendre trois ours pour nous servir au moins deux paires de souliers. Quand on va se tricoter du linge, ça va bien prendre des années, voyons là. Oh, moi, c'est plus mon problème, je serai pas là. Bouf. Ce sera... Non, mais j'ai vécu, moi, pendant des années avec des problèmes contemporains. Là, c'est rendu autour de mes enfants de régler leur cas, de laver leur linge sale en famille. Puis quand tu laves ton linge sale, c'est pas compliqué. Le mieux, c'est de mettre de l'eau de Javel. Comme ça, peut-être, tu détruis ce qui peut se régénérer après. Ça enlève les taches. Là, faites attention. Là, hein. c'est... Moi, là, quand j'utilise un vaporisateur pour faire du nettoyage, puis c'est indiqué « enlève les taches », je m'éloigne. On ne sait jamais, je peux disparaître, moi. Moi je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. C'est le week-end, fini la semaine, allons à la campagne pour nous refaire une santé, rien de tel que la campagne. Je prends la glacière, le pack de bière et un bon pain de campagne. Les pâtes au gaz, les chapeaux de paille et battons la campagne. Joli. j'aime manger, on part faire une balade. Et quand bien même on est à pied, je te fais le coup de la panne. Je sais. T'as peur de t'ennuyer toute seule à la campagne. Sans tes copines, ça serait le bagne. Bon bah, tant pis pour la campagne. Allons à la campagne. Silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Action! Cinéma. Mario Deschenaux et Kent. Mario Deschenaux, c'est sa chanson « On nous cache quelque chose ». Est-ce que c'est vraiment ça? Non, c'est Secret d'État, excusez-moi. Extrait de son album Trop curieux en 2007. Et l'autre, ben, c'est Kent, Le retour à la campagne. Ça, c'est pas le titre, là, mais c'est moi qui mentionne un titre comme ça, là, inventé. Une histoire inventée. Il y en a des histoires inventées. On s'en a. Ce qui est intéressant aussi, remarquez-vous quand je pars dans une improvisation. Il y a des clés qui se répètent pour m'envoyer en l'air, un peu comme propulsé. Là. Comment tu appelles ça? Ouais. C'est pas une boule, c'est une catapulte. Merci, madame. Une catapulte. Puis là, vous vous demandez, quand je remercie les gens, qui sont ces personnes qui me soufflent à l'oreille? Vous voulez savoir des noms? Approchez-vous, parce que je ne peux pas dire ça à haute voix. Là. Il y a comme une petite gêne. Approchez-vous. Je vais vous dévoiler mon terrible secret. Quoi? C'est si terrible que ça? Oui, je sais pas. Pour moi, non. Moi, il n'y a rien de terrible là-dedans. Mais pour les autres, là, les puritains, les... comment tu les appelles? Non, madame, vous êtes... attendez. Vous êtes sur les principes. Vous êtes puriste. Ceux qui me soufflent. Avez-vous le temps de vous avec vos parfait. Restez calme. Montez le son un peu, puis moi je vais baisser le mien. Ceux qui me soufflent dans l'oreillette, parce que c'est une oreillette là, qui n'existe pas. Donc c'est imaginaire. Ce sont tout est imaginaire. Tout est imaginaire. Moi, dans mon cas, tout est imaginaire. Ce sont mes amis imaginaires qui font mon émission. En fait, ils font pas. C'est moi qui fais mon émission, mais... Lorsque j'ai des blancs, lorsque je cherche quelque chose, ils m'envoient des ondes. Ils m'envoient des messages. Ils m'envoient des mots. Ouais, là, je crois que t'es surmené, mon petit champion. C'est la fin de l'été. Tu t'en es donné, hein, s'il vous plaît. Je t'ai vu aller sur ton scooter, là. On dit 32 km, mais quand tu es dessus, là, ah oh mon Dieu, t'es comme une vraie torpille. Ou encore mieux, mieux qu'une torpille, parce que ça amène la guerre, une torpille. J'aime plus déjà là le mot torpille. Torpille, pille, pille. Tous les garçons, c'est les torpilles de mon âge. Hein? Non, torpille. Étoile filante, c'est plus beau. Là, on sent la nuit. On sent qu'il est minuit presque 40. On est couché dans l'herbe. On voit des petits nuages, puis à travers tout ça, il y a des étoiles, puis pouf, ça fait pas ce bruit-là, là, c'est juste, on est à la radio. Donc, c'est pour vous faire, pour créer l'étoile filante. Et là, tu vois, pouf, l'étoile filante, ouais. qui frétille entre la petite et la grande ours. Là. Puis là, ma peur, moi, quand je regarde ça, la grande ours, là, c'est de me dire, si elle descend, imaginez-vous l'ours que ça va faire, ça là. Ça sera plus un ours, ça va être le géant vert, là, le géant bleu, le géant, c'est incommensurable. Ça fait peur juste à le dire. Je l'ai pas vu, puis j'ai déjà peur. Regarde, je frétille. Regarde-moi. Bon, ben oui, regarde-moi l'autre. Il se compte des peurs. Je me compte pas des peurs. Arrêtez de regarder la grande ours. Est-elle sauvage? Est-elle domestiquée? C'est ça la question. Parce que si c'est grand, à la vue, au regard, comme ça, lorsque ça se rapproche, ça peut-tu avoir la grosseur d'un pays? Puis quel pays? On sait, exemple, la Russie. Imaginez-vous si c'est gros comme la Russie. Puis quand elle fait « ça sent la vodka » comme en Russie, hey, ça te dépeigne, ça, là. La grande ours qui descend sur terre, ça ne te dépeigne pas à peu près. Quand ça court après toi, ça ne court pas. Ça fait juste poum. Un pas, c'est déjà rendu. Si on apprend demain que la grande ours est descendue à Québec, en un pas, elle peut être rendue en Belgique. C'est gros, ces affaires-là. Puis imaginez-vous la boule, la terre. Elle va perdre la boule, là. Ah, pensais-tu que tout ça allait descendre en bas? Elle ne sera pas capable de soutenir ça, la grande ours, là. Ça pèse comment, une grande ours? On ne sait pas. Ben, peut-être les savants pourraient nous l'évaluer. Là, appeler un savant à cette heure-là, là, c'est comme appeler pour une pizza. Tu vas l'avoir, mais à quelle heure? Ouf, on ne sait plus, on ne sait pas. Oh non. Tout est en train de tomber. Les étoiles, les astéroïdes, les spermatozoïdes, tout est... Ça descend. L'humour au Québec, ça descend. La littérature au Québec, c'est merveilleux. Ça, au moins, ça monte. La poésie, ça monte. Quand c'est quelque chose qui apporte de l'imagerie, c'est à la hausse. Il y a de l'humour qui crée l'imagerie, là. Il y en a aussi qui salit l'autre. C'est ça qui est lourd à porter pour une terre, là. Imagine-toi la petite boule qui est là. Au début, on dit hey, c'est gigantesque, cette boule-là. Hey, on l'appelle la terre. Plus on l'examine, plus elle rapetisse. Plus elle rapetisse, plus on est sur le bord, là on se tient, là. Imaginez-vous la main, là. Je crois que j'ai plus ma place sur la terre, là. Puis, t'as les pieds qui ballottent dans l'infini. Puis là, t'essaies de donner des élans pour retomber sur la terre ferme. Mais on sait bien que la terre n'est pas ronde. C'est comme une patate. On dit rond rapidement comme ça là, pour diminuer les explications. Sinon, ben écoutez, la terre est ovale avec des perforations au niveau de la tibulaire 43, 72, 152, 027, 48, mécanique bingo. Bon, les notions que... angle 17 également. L'angle 17, si vous mettez la main là, sur la croûte terrestre, vous allez rentrer dans le tuyau. Dans le tuyau, au bout du tuyau, ben c'est malheureusement des larves. Et même si vous pleurez, les larmes n'éteindront pas les larves. Parce que les larves, c'est chaud, hein, s'il vous plaît. Les larves, là, tu pleures des yeux, là. C'est pas éplucher des oignons, ça, là. Oh! Non, non, non. Tu souhaites pendant toute ta vie, oh, non, non, hey, je veux pas me faire chauffer par une larve, non. Pendant 25 ans de ma vie, je vais en éplucher des oignons. Tu sais, comme les dans l'armée, quand tu fais de la cuisine, là, puis que tu commences au début, t'épluches des patates. Là, tu dis, non, non, moi, je vais éplucher des oignons jusqu'à la fin de mes jours, là. Mais laissez-moi pas tomber dans la larve. La larve m'amènera nulle part. Moi, ça va me brûler au 8e degré, puis je vais aller au 7e ciel. Ouf, c'est compliqué la vie, là. Compliqué, compliqué, compliqué, compliqué, compliqué. C'est beau, hein? C'est quoi, c'est compliqué? Compliqué, compliqué. Heureusement qu'il n'y a plus de 33 tours. Ah non, c'est vrai, ça revient le 33 tours. Imaginez, hey, il y a des... Les gens n'arrêtent pas de s'imaginer depuis le début. Arrête de dire imaginer. OK, excusez-moi. Mais là, le 33 tours, moi, là, quand j'étais petit, quand je m'achetais un album, un disque, donc un 33 tours, un 45, mon entier, c'était « J'espère que ça va jouer correctement jusqu'à la fin. » Sinon, ça va « tong, tong ». Tu sais, la chanson revient, là. « Tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong. » On ne la fera pas. Non, on ne fera pas. Mais... Là, on est arrivé après ça au laser. Quand ton laser est propre, ça joue bien, là. S'il n'y a pas un petit gras, s'il y a un doigt gras, il y a des façons de manipuler n'importe quoi. Du laser jusqu'aux livres, jusqu'au micro. Tu ne tiens pas un micro comme tu tiens un couteau, quoique tu peux le faire aussi, là. Ça détend les nerfs. Hey, moi, là, j'ai mangé mon steak avec un micro, là, croyant que c'était un couteau. Ah, mon dieu! Il en a bu du jus, lui. Ah, il en a bu du jus. Puis à la fin, c'était pas... Bon, c'était une belle version de steak tranché, là. Mais c'est devenu presque du steak haché. Et comme je dis dans l'intimité, là... Parce que moi, je dis pas steak haché dans l'intimité. Je dis du steak à chier. Et quoi que tout arrive par là. Mais ça, c'est une autre histoire, Mme Thibodeau. Aujourd'hui, c'est épouvantable. Quel est ce mec? J'ai perdu une journée, ben pas une journée, 2 heures avec cet individu louche. Et je connais maintenant sa façon de voir l'existence. C'est un tripoteur de mots. Les justiciers devraient s'accaparer de ce mec-là. Un tripoteur de mots. Il tripote les idées. Il tripote tout ça pour... Oui, également, la métaphore est tripotée à 100 000, comme l'avait à 100 000 temps. Il aime ça tripoter, lui. Il tripote, il s'en va à Paris, rencontre des artistes, retourne, revient, repart, amalgame, coupe, place ça dans ses émissions. Et ça donne des explosions comme ça. Puis, oh, hey, monsieur, avoir su, hein? Cela va être pour madame qui est sa putain. concentration. Invité de la semaine. Colin Aubry. En super sonorité et en danse synchronisée. Aujourd'hui, le lundi 6 novembre 2017. Avez-vous tout vos membres au mois de novembre? Puisqu'en décembre, on en perd un peu. Puis le mois de janvier, ben, on peut se reconstituer. Hein? C'est le renouveau. Quoi qu'on dit que le 25 décembre, c'est l'homme nouveau. Pour les gens qui ont vu Les yeux grands fermés, Eyes Wide Shut, la fin du film. Alors, concentration. L'invité de la semaine, Colin Aubry. 6 novembre, aujourd'hui, l'errance. L'errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour d'elle et de ses quatre membres, ses deux bras, ses deux pieds, et surtout de sa tête qui coordonne le tout, son cerveau qui choisit d'étirer le membre, de le rétracter, de l'amener vers le haut, vers le bas, de faire des hauts et des bas, et de bouger son corps comme une... Tu sais, les poupées, les petites poupées ou les grandes poupées qui en chiffon, Madame Chiffon, c'est Colin Aubry. Colin Aubry. La grande colline que j'ai eu la chance de rencontrer en juillet 2017. Et maintenant, je vous laisse... Entre nous, c'était une discussion délicieuse. La preuve. Tu veux un café? As-tu vu le prix du café à la Bourse de Londres ou celle de New York? À peu près 50 cents la livre. Finalement, c'est pas tout à fait ce que ça coûte pour le faire pousser. Fait que, essaye d'imaginer combien il reste d'impôts du cueilleur. Chaque année, le commerce international du café génère des profits de plus de 12 milliards de dollars. On voudrait dire que le café... Yannick, je bois pas de café, fait que là ma contribution. Seulement 3. peut-être que ça peut l'intéresser de faire une double interview. C'est où? C'est là, là, en haut de la rue Tolosé. Ok, je vais regarder voir si j'ai quelqu'un après. Curiosité. Oh. Et je crois que oui. Ici? Ah ben oui, j'ai un autre rendez-vous après. Oh, désolé. Mais ben au non, il n'y a pas de souci. Au moins, notre rencontre a lieu. Non, non, exactement. Ah, c'est bien, c'est déjà. Mais as-tu de la difficulté avec mon accent? Ça va le faire, je crois que je vais prendre un petit temps pour analyser. Je vais parler lentement, parce que je sais que le décodeur n'est pas inclus. Je t'ai connu sur Internet. Tu fais de la danse. Oui, c'est ça. Tu t'intéresses à la danse depuis l'enfance. Tu étais comme les petites filles de l'époque. Ouais. Moi, mes parents, ils sont comédiens tous les deux. Ma mère, elle faisait beaucoup de danse. Donc, elle m'en tenait pas mal. J'ai fait de la danse africaine avec elle. Oui. Tu vois. Et puis, j'avais fait de la gym, la modern jazz, des trucs un peu... Bon, voilà. Et un jour, à 14 ans, j'ai commencé à faire du hip-hop. Pourquoi ça t'éclatait? La musique t'éclatait? Tout le monde... Je pense que c'était l'énergie, quoi. Je retrouvais un truc un peu de la danse africaine où, tu vois... C'est vrai, ça touche à ça. Hein. Un truc un peu d'une certaine puissance, de quelque chose qui te fait un peu sortir de toi, quoi. Ouais. Ah, c'est la trance qui te plaît là-dedans. Ouais, bah, j'ai pas mal travaillé sur la trance, mais... Ah oui? Mais pas forcément. Qu'est-ce que tu veux dire par là, tu as travaillé sur la trance? Que j'avais cette tendance à aller un peu... Sortir de ton corps. Voilà. Et qu'il a fallu que je me pose. Pourquoi? Pour prendre conscience de certaines choses, de mon corps, de là où il allait, pour pouvoir écrire aussi, chorégraphier, savoir qu'est-ce que j'étais en train de dire, qu'est-ce que j'étais en train de raconter. Mais quand tu travailles tout ça, puis une fois que tu l'as en toi, là, la trance peut avoir lieu. Ouais, tout à fait. Et si elle n'a pas lieu, ça veut dire que ton travail n'a pas été assez préparé? T'as fait de la danse, toi? c'est ça? peut-être. Je sais pas. Je pense que c'est vraiment pas évident de... Tu sais, mais ça, c'est dans toutes les créations artistiques. Il y a quelque chose qui naît, c'est génial, c'est spontané, c'est naturel, c'est trop bien, c'est génial, je vais travailler là-dessus. Et puis après, tu essaies de le refaire, de l'écrire, et puis là, ça... Donc, comment retrouver ce processus ou comment ne pas le retrouver, fonctionner quand même sur cette première impression, travailler là-dessus. Et puis après, tout à coup, bah, ça revient. On ne sait pas pourquoi, parce que ça a été intégré ou je ne sais pas. Mais ouais, je retrouve ça beaucoup. Et c'est pour ça que tu fais de la danse. C'est pour t'exprimer, c'est pour laisser parler le corps, c'est pour laisser t'exprimer. Ouais. Et sur... Oui? Je pense que j'étais pas très à l'aise avec la parole quand j'étais jeune. Ok. Et du coup, la pourquoi? Danse... Parce que tout le monde parlait autour de toi et t'avais pas ta place? Je sais pas si j'avais pas ma place. Je pense qu'on m'a beaucoup donné de place. Et que je savais pas trop comment la prendre. Enfin, j'avais pas grand-chose à dire. Voilà, ma vie, elle était facile. Enfin, il y avait des trucs qui se passaient, hein, mais... Mais j'avais des parents qui parlaient énormément, comédiens. Ah voilà, ça te bloque, ça te bloque. Mère qui avait fait, qui était hyper dans tout ce qui est psycho, psychanalyse, tu sais. Donc... Ah ça c'est lourd hein, d'avoir des parents, Voilà quoi. Et du coup, moi parler, c'était pas forcément, je savais parler, mais j'avais pas envie de construire autour de ça quoi. Puis... qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Parce que t'aurais pu faire de la peinture, t'aurais pu faire... J'en ai fait, tu vois. Ouais. J'ai fait, quand j'étais petite, je faisais de la poterie, j'adorais ça. Ah oui. Mais qu'est-ce qui m'a amenée à la danse? C'est voir les gens à la télévision, les danseurs, les danseuses. Je pense qu'il y a un petit côté, une envie de célébrité sûrement, ou de reconnaissance, un truc comme ça, d'appartenir à un milieu, enfin... Ouais, peut-être, c'est la troupe qui t'intéresse. Peut-être d'appartenir à quelque chose. Au début, on avait un groupe. On a pas mal tourné avec ce groupe, entre 14 et 18 ans, quoi, tu vois. Uniquement de danse ou de chant? Non, de danse uniquement. Oh. Hip-hop, vraiment, danse urbaine. Mais en plus, c'est l'avenue, le hip-hop. Dans les années 2000, à partir de 2000, le hip-hop... Ouais, ça s'est envolé. New York, c'était bien avant, c'était 80, mais ici, comme chez nous, ça s'est produit quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard. Donc, c'est la musique qui t'a inspiré aussi. Tu écoutes du hip-hop? Ouais, ça c'est sûr que la musique, ça faisait partie de mon quotidien et que du coup, c'était plus facile. Mais même aujourd'hui, tu vois, je danse pas forcément sur des musiques hip-hop. Hein. Ok. C'est pas... j'aime ça, mais c'est pas ce qui me booste le plus. J'aime bien justement adapter cette danse à d'autres musiques et des choses un peu plus musique du monde, tu vois, okay. Ça, j'aime beaucoup. Parce que on a beaucoup plus accès aussi à la musique du monde, comparativement à il y a plusieurs années. Avant, c'était difficile de trouver que ça nous vienne dans nos oreilles. Oui, c'est clair. Mais là, avec Internet, on peut avoir accès à n'importe quel... au Zoulou, n'importe quel... Ouais, et puis... Bon, j'ai un frère musicien aussi. Ah ouais, ben ça aide aussi. Il joue quoi, de la guitare? Il joue de la guitare, des percus, il chante, il écrit, compose. Est-ce qu'il te demande souvent de venir danser pour lui, histoire de mettre un peu d'ambiance, comme les rites musicaux faisaient affaire avec des danseuses, des danseurs? Exactement, pour exactement. Ah ouais. Mais je lui demande aussi de venir faire de la musique pour accompagner mes créations ou quoi. Ouais, on a fait pas mal de choses. Mais tes créations, à quel moment tu t'es dit, la danse, je veux en faire quelque chose de plus sérieux? Alors, bah, tu vois, je te disais, ma mère, elle a fait psycho, moi j'ai fait des études de psycho aussi. Ah, t'as un bac plus... J'ai un master, ouais. Oh! Un master, donc 5 ans. Oui. Psycho, psychologie clinique et tout ça. Est-ce que c'est assez pour être psychologue, quoi? Est-ce que c'est assez pour être psy actuellement? Ouais. Tu peux être psychologue? Ouais, je pourrais être psy. Mais. Mon ancienne copine était psy, freudienne. Ouais. Moi, j'étais plus dans l'orientation lacanienne. Ouais. Même si ma fac était très freudienne, mais moi, après, j'avais un peu bifurqué. Mais après coup, c'est bizarre, elle a fait Freud, elle est devenue freudienne, mais elle préférait Lacan. Mais l'université où elle était, à l'Université Laval, c'était freudien. Mais c'est sûr qu'elle était beaucoup plus dirigée dans l'œuvre de Lacan parce qu'il est beaucoup plus intéressant. Et parce qu'aujourd'hui, Freud, on peut le questionner sur bien des théories. Il était plus novateur, il avait précisé plein de choses. Exactement, ça colle plus. Puis il était un peu plus fin aussi, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, il était moins grossier. Puis la femme avait une importance moins... Objet. Pour les femmes, c'est plus facile d'être lacanienne que d'être freudienne, oui, ça c'est sûr. Oui, franchement, là, c'est épouvantable ce que Freud a trouvé. Allez, on va continuer sur la danse. Mais du coup, voilà, j'ai fait, mais c'est 5, même j'en ai fait plus parce que j'ai travaillé en même temps. Donc j'ai fait 6 ans, je crois, de psycho à la fac. Mais c'est beaucoup de travail, la psychologie, là, c'est des livres, des bouquins. Puis c'est une disponibilité psychique, il faut pouvoir être... à l'aise avec cette réflexion-là, savoir être à l'écoute en même temps, être toujours en dialogue intérieur avec toutes les théories et tout ça. Enfin, il y a un vrai truc. Et moi, je suis sortie de là en me disant, j'ai l'impression d'être un petit peu aspirée par cette mentalisation, tu vois. Une sorte d'endoctrinement. Ouais, un peu, ouais. Mmh. Genre, il faut toujours réfléchir, tu sais, t'es en train de parler avec quelqu'un et puis malgré toi, t'es là en train de te dire, ah oui, tu dois analyser en mode analytique constant. Il n'y a pas de vacances pour des analyses. C'est une période aussi où moi, je ne faisais pas de travail forcément sur moi et où du coup, ça devenait vite un jugement, tu vois, de valeur et tout ça. Et je sentais que ça me perdait, que ça me rendait un peu mauvaise. Aigri, voilà. Exactement. Tu ne te sentais pas à l'aise avec ça. Voilà. Et du coup, j'ai difficilement terminé mon master. Je l'ai eu pas haut la main du tout, mais j'étais genre, ça s'est fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai dit, OK, j'avais déjà quelques projets de danse qui s'étaient un peu remis sur ma route. Alors, tu faisais de la danse... On continue, j'en étudie. Ouais, parallèlement à tes études. J'en faisais moins qu'avant, mais j'en faisais une fois par semaine, au moins, voire deux. Ça exulte davantage, le corps s'exulte, donc c'est plus intéressant de revenir après ça au travail intellectuel. Quand tu t'évades, quand le corps s'exulte, c'est plus facile, ça. Tu veux dire? Ouais, excuse-moi, j'ai dit difficile? Non, j'étais pas sûr. C'est plus facile, OK, t'avais pas le décodeur. Ouais, c'est plus facile, quand je m'emporte, ça arrive. Donc, oui, c'est plus facile que de revenir sur le côté intellectuel quand tu as déjà, bougé un peu. Oui, c'est vrai. C'est comme quand ça rentre plus, là, quand tu lis et tu n'es plus capable de comprendre, tu mets ça de côté, tu fais autre chose, tu reviens après. Exactement. Tu t'es comme reposé de ça. Oui, exactement. Et toi, le corps devait s'exprimer plus que ça. Donc, les livres, tu les as fermés, les jambes, tu les as prises et... Tu t'es bien dansé. C'est ça. Mais à quel moment tu t'es préparé ou tu t'es dit, là, je veux en faire une carrière, je veux... Ben, pas une carrière, mais je veux danser, essayer d'en vivre. Franchement, ça a été une question continue. Même quand j'ai décidé d'aller faire de la psycho à la fac, c'est parce que j'aimais bien l'école. J'avais tu aimais l'école? Ouais, j'aimais bien. Enfin, j'aimais pas l'école en soi, mais j'aimais apprendre. OK. Voilà. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livrée, grandie et fleurie, dansant et livrée au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Avis, les moins partagés. J'aime les orties, les ronces, les fées, les lys qui chavirent en éclats de rire. Ce sont les enfants du prince charmant. Honte aux imbéciles qui dînent en ville. Lorsque l'épée lui et que boucle d'or bat le minotaure, les orques et des noirs tombent dans les phares des buts des BM, et c'est ce qu'on aime. Honte aux imbéciles qui dînent en ville. Au fond des palais, comme la pitié, c'est bientôt fini. Je suis un hurleur, dévorant ses pleurs. Dans le pays blême, je me tue, je t'aime. Honte aux imbéciles. De malheur et singe de feu, je n'ai plus de cœur, je hais même Dieu. Serrons nos mâchoires sur des proies de gloire, archanges en horde et miséricorde. Je t'aime, imbécile, toi qui dîmes en ville. Embrasse-moi, je t'aime, imbécile, toi qui dînes en ville. Prends-moi dans tes bras et garde-moi là. Non, ouais, j'aime bien. Ouais. Et j'avais envie aussi de creuser cette matière-là, voilà. Mais il y avait la danse, je savais pas, tu vois, j'ai eu mon bac, je me suis dit, j'avais le choix, est-ce que je fais une école d'art ou un truc comme ça. Est-ce que... Bernal, qu'est-ce que vous voulez boire, mademoiselle? Moi, je vais prendre une limonade. Une limonade, la même chose, pareil. Et donc, ouais, une école d'art, parce que je faisais art plastique en option, j'aimais bien. Ou alors je fais une école de danse, ou alors je fais des études de psycho. Okay. Et voilà, les études de psycho, c'est ce qui a amené un diplôme. Je me suis dit, c'est cool, au moins je serai sereine. Si j'y arrive, voilà, j'aurais quand même vu mes parents intermittents galérer et tout, tu vois. Et en fait, j'ai fait ça, j'étais très contente de l'avoir fait. Même encore aujourd'hui, je suis hyper contente. Il y a plein de gens qui me disent « mais t'en fais rien de ton diplôme ». Si, si, enfin... Ça reste toujours, hein, ça reste toujours. Et la psychologie, ça peut être dans la vie de tous les jours. Voilà. Mais même pour toi, tu vois. Enfin, moi, c'est ce qui m'a poussé après à faire un travail sur moi, chez un psy et tout, et aller chercher des trucs juste personnels, tu vois. Et aujourd'hui, bah, tu vois, je commence à mettre en place de la danse dans des milieux psy, milieux socio-éducatifs, la danse-thérapie, de creuser ce milieu-là, tu vois, et de me dire, bah, en fait, les deux, ça se joint. Ça peut se rejoindre. Donc, mon cours de psycho n'a pas été pris pour les 5 années, on n'a pas été perdu, et ma danse n'a pas été perdue, on va les joindre. Ça se rencontre. Ben oui, et c'est de là l'intérêt, de se dire qu'on n'a pas bossé pour rien pendant longtemps, on n'a pas ouvert des livres et essayé de comprendre Lacan pour rien. Il revient. Merci. Il revient à nous constamment. Oui, c'est ça. Mais la mise en scène, c'est quand même quelque chose de plus difficile. C'est bien beau de savoir danser, mais la mise en scène... Ben, tu me demandais qu'est-ce qui m'a motivée, vois. C'est qu'à la fin de mes études, j'ai dit à mon prof à l'époque, moi j'ai été élève d'un danseur hip-hop pendant très longtemps. Okay. Je me suis formée ailleurs, mais je suis vraiment restée longtemps avec lui. Ça a été ton maître un peu? Un peu, ouais. Et je lui ai dit, voilà, je crois que j'ai envie de me lancer là-dedans. Tu veux pas... T'as pas envie qu'on monte une troupe, je sais pas, toi tu te sens pas de chorégraphier et tout. Puis bon, l'idée a fait son chemin, mais lui il était pas trop chaud, il me dit bah si tu veux écoute, je peux t'accompagner et tu montes un solo. Et donc on a fait ça pendant à peu près, enfin lui il m'a accompagné pendant au moins 1 an et demi, tu vois, à monter ce solo. Merci, salut, merci. Ok, oui, il était là pendant 1 an et demi, moi c'est les anciens que j'ai rencontrés. Et on a monté un solo, enfin il m'a beaucoup accompagné au début, parce que moi je sais, enfin tu vois, comment on fait, comment on pense, enfin à partir de quoi tu crées. Et tu as posé ces questions-là? Voilà, donc au début on a travaillé assez simplement, genre choisis des musiques qui te plaisent, on voit qu'est-ce que ça donne. Ah bah tiens, une fois t'avais fait ça dans une impro, moi ça m'avait parlé de toi, on a rebondi un peu comme ça, tu vois. Et petit à petit, c'est devenu comme une carte d'identité un peu, ce solo, tu vois, un truc où je racontais plusieurs étapes de ma vie, de comment j'avais pu me construire. Ouais, il y avait un truc comme ça. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, c'était en même temps assez personnel et un peu exutoire, ou je sais pas, tu vois, il y avait quelque chose comme ça. Et en même temps, dans une construction. C'était psychanalytique. C'était presque, ouais. J'ai vécu 2 ans avec une psy, donc écoute... Ah là là, t'as dû répondre. Ben, c'est elle qui était freudienne, donc... Mais voilà, et après, il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait que je me détache de lui et que je vive un peu mes expériences toute seule. Mais c'est en tout cas, il t'a aidé, il t'a fait cheminer dans... Ah ouais, il m'a donné les bases. Il t'a donné les assises et c'est toi qui, après ça, tu t'es envolé pour faire autre chose. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais moi, je suis pas que hip-hop, j'ai fait de la danse africaine, j'ai fait ça, j'ai envie que ça vienne nourrir aussi. Je suis allée un peu prendre des cours ailleurs, à ce moment-là, beaucoup de danse africaine. J'ai demandé à mon frère de faire de la musique. Ce qui a débouché sur un petit duo ensemble. Ouais. Qui s'appelait? Le duo? Oui. On n'avait pas trop de noms, okay. C'était un petit numéro, c'était pas hyper long. Et le numéro pouvait soit jouer tous les deux, soit se mettre dans le solo avec la musique qui défile, tu vois. Okay. C'est les prémices, c'est le début. C'est... Voilà. Et ton travail de mise en scène a évolué à partir de là? Ouais. Est-ce que c'est compliqué de faire des mises en scène de... Mais de se mettre en scène en plus. Bah oui, c'est ça. C'est que je pense que moi, pour l'instant, les projets où j'ai mis des gens en scène, ils étaient assez. C'était des petits projets où c'était assez facile parce que je venais rajouter quelque chose. Okay. C'était jamais mes propres projets. Okay. Pour l'instant, je n'ai fait que mettre en scène mes propres créations, tu vois, où souvent je suis dedans. Mais tu te sens plus à l'aise là-dedans? Bah, les deux sont intéressants. Hein. Enfin, vraiment, ça dépend, mais. C'est aussi au gré des rencontres, tu vois, j'ai fait solo parce qu'on m'a l'a proposé. Après, j'ai rencontré une fille qui était psychomotricienne, mais qu'on avait plein de choses à se dire, on aimait bien créer ensemble. Et on nous a fait des propositions de dates, on s'est dit, ok, faut qu'on crée quelque chose, on a créé. Et... C'est le hasard. C'est les opportunités, quoi. Oui, enfin, voilà. Ouais, c'est mieux que le hasard, les opportunités. Est-ce que tu es le genre, parce que je connais des danseurs et des danseuses qui se filment? Ouais, ouais. Alors, toi, c'est très important? Avant, pas du tout. Et puis quand on a commencé ce travail à deux, où on jouait sur des trucs de miroir ou bien des trucs d'identique, tu vois, il y avait beaucoup de ça. On s'est dit non mais là, il faut qu'on soit hyper précise. Et, encore avec la fille en question. Voilà. Ouais. Et soit on demande à quelqu'un de venir, mais du coup, bah, qui déjà, qui aurait envie de faire ça? Puis surtout que tu rentres dans une intimité de création, donc tu veux pas. Alors une caméra fixe sur un trépied, c'est merveilleux. Voilà. Et donc on a fait ça. C'est arrivé là-dessus. Voilà. Ouais. Et puis, en fait, notre travail, c'est beaucoup regarder et se dire « Ah, ça, c'est intéressant, c'est pas intéressant. » Ah, mais en fait, ça donne pas du tout ce que t'as l'impression quand tu le vis. Alors. Puis, il y a des trucs que, quand tu les vis, tu te dis « Ouf, enfin, tu fais même pas gaffe. » Quand tu les vois, c'est merveilleux. Voilà. Et il y a plein de trucs comme ça hyper intéressants. C'est surprenant. Voilà. C'est ça la création. Mais tu vois, ça a aussi donné que... on a monté un truc de 20 minutes et puis on a fini par enlever plein de choses et garder que 4 minutes. Ok. Et on sur 24 ouais. 16 minutes en partie de main. Ouais, exactement. Bon, elle reste à l'intérieur, ça nourrit. Ouais. Ça a renourri d'ailleurs les 4 minutes après qu'on a perfectionné, présenté à des concours et tout ça. On a eu plein de dates de concours, gagné des trucs. C'était vraiment trop chouette. Super expérience. À quelle année, ça? Octobre dernier jusqu'à avril. Ok, Et en fait, on nous a beaucoup dit, c'est marrant, mais c'est quand même hyper frontal ce que vous faites. Okay. Et là, on s'est dit, mais c'est normal, on a toujours bossé avec une caméra de face, tu vois. Et donc, du coup, là, on est en résidence pour créer un truc plus long, 20-30 minutes, mais autour de ce premier concept, tu vois, où on va peut-être utiliser ce qu'on avait fait avant et tout ça. Mais là, on se dit, bon, il faut qu'on arrête de penser les choses. On utilise la caméra que vraiment si... on a besoin de vérifier quelque chose, mais pas que ça soit notre œil à tout prix. Non, je comprends. C'est devenu un petit nerveux, malheureusement. C'était notre œil, quoi. Parce que toi, la danse, c'est trois dimensions. Oui. Donc, il faut arrêter de se voir d'une manière frontale devant la caméra, comme la télévision. Exactement. Oui. Et voilà, mais c'est hyper intéressant aussi de voir qu'on a tout construit là-dessus et ça marche trop bien, tu vois. Mais quand même, il y a ce truc, c'est une contrainte du show, c'est qu'il est en frontal, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui l'ont remarqué et qui t'en ont parlé. Si on t'en parle pas, tu verras jamais la différence et tu pourras jamais modifier ça. Mais franchement, là, de octobre à avril, on a fait, je sais pas, une dizaine de concours, même après des scènes juste comme ça pour se tester, pour participer, pour se faire connaître, pour rencontrer des gens et tout. Et à chaque fois, c'était super parce qu'on avait vraiment des retours constructifs, des gens qui s'intéressaient, qui se disaient « moi ça m'a parlé de ça, moi ça m'a fait ça, j'aurais eu envie de voir ça ». Après, tout n'est pas à prendre, mais c'est aussi quand c'est la discussion, c'est déjà gagnant. Ouais, c'est clair. Tu sais, quand tu fais quelque chose et il n'y a plus personne qui... Il n'y a pas de commentaire, tu dis « au moins j'ai réveillé quelque chose qui titillait chez les gens », puis la danse, c'est ça. Mm. Qui n'a pas le pied qui balotte quand on entend Michael Jackson, je sais pas, là, tu sais. Mm. Donc, c'est d'intervenir devant le public et de le faire réagir. Mais peut-être c'est inconscient. Ouais, peut-être, j'en sais rien, Enfin oui, bien sûr, on avait envie de faire un truc qui plaît et qui motive, mais... Mais pendant 5 ans, tu as intellectualisé tout avec la psycho. Est-ce que la danse, tu essaies de faire la même chose ou tu veux danser de la création? Il faut se déraciner de ça, il faut oublier, comme disait Brel, il faut oublier ce qu'on a fait et remodeler autrement. Se remodeler autrement. Mais ça, c'est la question. C'est peut-être le travail d'une vie. Hein? Ouais, sûrement. Ouais. Moi, je pense que c'est un de nos points forts, nos points faibles. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose, mais dans ce duo, c'est qu'on est tellement en connexion dans nos réflexions que parfois... Ouais, il y a un truc un peu, la création, elle tourne autour de ça, quoi. Donc, on joue vachement là-dessus. Des fois, on travaille avec des gens qui sont pas comme nous, donc ça peut évoluer autrement, mais quand c'est vraiment... Je pense que dans nos danses, on n'est pas du tout pareil. OK. C'est vraiment dans notre conception de... Compréhension de ce que vous faites. Ouais, voilà. Et du coup, on a tendance à vachement conceptualiser les choses. C'est un... Est-ce que c'est positif? Je pense que ça a du positif et du négatif, tu vois. Ça a du positif parce qu'on a plein de matière, plein de trucs et tout. Puis après, comment on fait pour que ça danse et que ça, voilà, tu vois, pour que ça danse, quoi. We'll be right back. cold, and I wanna be free. Don't you wanna be free? Do you like girls or boys? It's confusing these days. Does cover you, cover you. This chaos is killing me. Chaos is killing me. Hello, space boy. You know you're sleeping now. Your silhouette, so station B. You're released, but your custody code. And I'm gonna be free. Are you gonna be free? Do you like girls or boys? It's confusing these days. But moondogs will cover you. This chaos is killing me. Yeah. sort. Du moins, c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent, à qui la faute? C'est la faute à autrui, c'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire ta merde de la faire aussi. Le juge voudrait te faire. Tout le monde te fera aussi. Sin. bah, y a des jours où je me dis, Colline, c'est bon, là, t'as assez douté pour la semaine, tu peux y aller, quoi. Okay. Ton mois de doute est fait, donc passe un mois sans... Si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment. Parce que non, bah, avant ça, je disais aliment, puis les gens croyaient que je voulais dire animal. Bah, j'ai quand même compris animal, moi. Ah oui, aliment aussi, hein. Aliment, tu comprends quoi? Aliment. Non, aliment. Aliment, ben, aliment, c'est ça. Aliment. Ah. Oh là là, un truc gourmand, je sais pas quoi, mais un truc sucré-salé, tu vois. Un plat. Peut-être un plat asiatique, genre cambodgien. Ou, ah oui, ok. Avec ouais. Du miel à l'intérieur. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Un truc un peu léger, mais en même temps hyper gourmand. Ok. Hyper calorifique. Ça, je m'en fiche. Ah, okay. Ah, mais c'est rare quand même. Les filles, en général, là, c'est. Si tu étais une saison. Alors, pas le printemps, c'est sûr, parce que j'ai des allergies. À toi aussi? Mais moi, c'est à l'année. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, c'est sympa. Ah, ouais, bon. On vit avec ces anomalies. Voilà. Ça nous renforce, les anomalies. Je pense que je serai l'hiver. Enfin, à ta vie? J'aime beaucoup l'été et dès qu'il y a du soleil, ça me fait plaisir, tu vois. Mais moi, ça m'empêche un peu de travailler. Ça t'écrase? Ouais. Alors que l'hiver, je trouve ça beau. Ça me met dans tous mes états et c'est... Dans tous tes états. Ah ouais, enfin, si j'ai froid, alors je deviens horrible. Si je vois de la neige, je suis comme une enfant. Enfin, tu vois, il y a un truc qui me pousse un peu dans mes extrêmes, ça. Donc j'aime bien. Puis je suis née en hiver, alors j'aime bien. Ah oui? Au mois de décembre? Ouais. J'espère pas à Noël, t'as pas de cadeau? Non, okay. Le 5 décembre. Ah, parfait. Si tu étais un membre corporel? Si j'étais un membre corporel, je pense que je serais des mains. C'est bizarre, pas des pieds? Non. Hein? Marcher sur les mains, danser sur les mains? Bah, tu vois, moi je trouve que la qualité du mouvement des mains, c'est ce qui fait toute la finition, hindou, tu vois. Hein? Le côté hindou, la danse. Ah ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est beau, hein, de voir des... Mais ouais. Hein? Si tu étais... Voyons, si tu étais à un moment de la journée... L'apéro? Ben oui, 18h, hein? Malheureusement, on s'est pas rencontrés. Désolée, mais moi, l'apéro, c'est souvent un peu plus tard. Ah oui? Ah, c'est quoi, 20h? Ouais. OK. Ouais, avant, je bosse. En général, je bosse assez tard. OK. Mais là, tu es en congé, en vacances, t'as pris... J'ai des jours où je suis un peu off. J'ai répété ce matin, tu vois, par exemple, je me suis arrêtée à 14h. OK. Et je reprends après, je donne des cours là ce soir, tu vois. Donc, oh, alors souvent, là, c'est au milieu de la journée, j'ai un petit creux parfois. C'est une virgule, là, ici. Ouais. Ah, pour moi, c'est pas un point final. C'est... Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Ben moi, j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'être un homme. Ok. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, j'aimerais bien aussi savoir ce que ça fait d'être une femme, mais qui n'est pas moi, tu vois. Ok. Mais en tout cas, un truc au niveau des genres, ouais, c'est sûr que ça m'interroge, ça. Qu'est-ce qui se ressemble? Qu'est-ce qui peut appartenir à l'homme ou qui appartient juste à l'individu? Tu sais, nous, on fait plein de trucs. Ah oui, ça, c'est parce que t'es un mec. Ah oui, ça, c'est parce que t'es une femme. Parfois, ça n'a rien à voir, mais juste, c'est nos codes, un peu... Ouais. Et c'est la société qui a créé ces codes-là pour oui, nous. Oui, voilà, c'est ça. Mais justement, j'aimerais bien savoir, est-ce que quand on est un homme, on ressent quand même ces choses-là qu'une femme peut ressentir? Est-ce qu'une autre femme peut ressentir la même chose? Enfin, tu vois. Puis même, juste le sexe, tu vois, c'est un truc... Je me demande ce que ça fait, quoi. On joue pas de la même façon. Et pourquoi il y en a qui... Pourquoi on dit que les hommes jouissent plus rapidement puis que les femmes, c'est plus difficile à décoller? Ouais, aussi. Ouais. Mais même une autre femme, est-ce qu'elle ressent la même chose que moi, tu vois, ou pas? OK. Ouais. Expérimenter ça aussi. Ouais, j'aimerais bien. Est-ce que... j'avais une belle phrase. Et ça fait deux fois que je perds la mémoire là-dessus. Il y avait quelque chose... Là. Ah oui! Non, c'est quoi? La vieillesse. Ah oui, là, oui, ça me revient. Quand ça me dit tout le temps oui. T'as 28 ans. Ouais. T'as pas d'enfant. Non. Est-ce que tu vises un peu la maternité ou t'as mis un point final là-dessus? Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants depuis que je suis toute petite. Et j'ai remis ça en question il y a quelques années en me disant c'est pas obligé d'avoir des enfants. Okay. Et si j'en avais pas, je pense que je serais malheureuse, mais j'y trouverais aussi... Il y a aussi d'autres choses à vivre. Je pense que voilà, ma réflexion, c'était... Mais en fait, avoir des enfants, c'est une responsabilité, un engagement. Ça change tout dans ta vie. C'est à la mort. Du coup, quand je vois la relation que j'ai avec ma mère, par exemple, je me dis... Qu'est-ce que ça va être la relation que je vais avoir avec ma fille? Comment je vais pouvoir me sortir de ça, ne pas refaire les mêmes choses? Ou justement, ne pas essayer de ne pas refaire les mêmes choses et du coup, me retrouver à faire les mêmes choses? Enfin, tu vois, j'ai tellement de choses à te reprocher à mes parents. Et puis maintenant, je me dis, mais pff, maman, ouais, est-ce que ils ont mieux fait qu'elle? Ce qu'ils ont peu. Ah, est-ce qu'ils que je serais mieux que... Voilà. Et non, c'est une question, une vraie question en ce moment, parce que d'autant plus que j'ai 28 ans, que je suis avec quelqu'un qui est chouette et que je me dis que ça pourrait être... Ouais, le temps. Voilà, pas maintenant, non, mais non, en tout cas, je me dis que cette relation-là peut poser des bases pour ça. Je sais que c'est pas le fait d'avoir des enfants qui m'empêcherait de danser, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça est-ce que du coup... Je ne vais pas être entièrement dans mon histoire avec mon enfant, mes enfants, et du coup ne plus avoir le temps de faire d'autres choses ou même ne plus avoir l'envie, tu vois. Et si jamais j'avais plus envie de danser parce que je préférais m'occuper de mes enfants. Bah ouais, ça me fait peur ça. Mais en même temps, ce qui peut te rassurer, c'est que tu enseignes à des enfants, donc c'est un peu le côté maternel qui rentre en ligne de compte, inconsciemment toujours. Pourquoi? J'ai pas compris. Mais tu enseignes auprès des enfants, donc peut-être inconsciemment, tu es une mère... Bah, c'est sûr que j'ai toujours travaillé avec des enfants, oui, ça, c'est vrai. Donc, c'est peut-être ton petit côté mère qui est là sans avoir enfanté? Peut-être. C'est peut-être aussi de l'inconscient, je sais pas. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non, j'essaierais d'en faire un autre juste pour essayer de voir... Qu'est-ce qui se passe? Quelle diversité je pourrais rencontrer, enfin, juste pour connaître encore plus de choses. As-tu beaucoup de projets à venir ou t'enseignes déjà là? C'est quelque chose d'assez intéressant et de constructif pour toi. Mais au niveau personnel, la danse, est-ce que tu veux développer avec d'autres personnes, aller chercher, aller dans d'autres pays? Moi, il y a ce truc de la danse-thérapie que vraiment j'ai envie de développer. J'ai envie de pouvoir retourner à... Tu vois, l'année dernière, je travaillais avec un petit garçon autiste. Juste un? Pourquoi? C'était privé? Ouais, c'était une demande de sa mère qui passait par une structure qui ont fait appel à moi pour donner des cours de danse au départ. Okay. Puis très vite, j'ai dit que j'avais pas trop envie que ce soit des cours de danse et qu'on pouvait essayer de réfléchir un peu les choses autrement. Et du coup, c'était juste des moments qu'on passait ensemble autour de la danse, tu vois. Et moi, j'ai appelé ça danse thérapie. C'est toi qui dansais? Non. Lui, il était hyper vidéo. C'était un petit garçon qui était très branché, toutes les technologies et tout ça. Et donc, il est venu tout de suite avec... en montrant des vidéos de danse, tu sais les trucs, comment ça s'appelle là, Just Dance, où tu fais la choré en même temps. Avec la Wii là, tu bouges. Ben, tu peux la retrouver sur YouTube, t'as la vidéo et lui il faisait sa choré comme ça. Ah, c'est bon. Et donc je me suis dit, ok, ben, on va travailler comme ça, on va regarder des vidéos de danse, chacun son tour, lui va m'en montrer, moi je vais lui en montrer. J'ai découvert plein de trucs grâce à lui, j'espère qu'il en a découvert grâce à moi. Et puis après on allait manger ensemble et tout, tu vois, on avait vraiment une longue période ensemble. Et puis, un long créneau. Et puis après, l'après-midi, on testait un peu ce qu'on avait pu voir. On a créé des chorégraphies, on les a changées, modifiées, on les a filmées aussi. On les regardait, donc lui, il adorait se regarder danser. Ah, c'est bien ça. Puis il y avait des fois, il y avait un truc qu'on faisait beaucoup, c'est la vitre dans l'ascenseur, tu sais, le miroir dans l'ascenseur. Alors on pouvait faire tous les étages dans l'ascenseur juste pour faire des grimaces et des trucs dans l'ascenseur. Parce qu'on n'avait pas de vitre là, de miroir là où on dansait. Okay. On n'avait que la vidéo pour se voir. Donc vraiment, ça, c'était, enfin, tout ce travail sur l'image et tout, c'était génial. Et aujourd'hui, as-tu vu le changement chez lui? En fait, il a grandi, il est allé dans une autre école et il a fait d'autres ateliers avec d'autres gens, ce que je trouve génial parce que du coup, il a rencontré d'autres choses. D'autres quoi, influences aussi. Avec des percussions et tout ça. Enfin, I am so glad you stuck true to your obsessions and filed rest of questions under false. I am so glad you never took their offers. I am so glad you never returned their calls. Hey darling, darling, darling, darling, my sacred darling. For darling, I believe that your obsession is your only way out of here. It's your only spiritual condition where heart and soul they cross the field. Hey darling, darling, darling, darling, my sacred darling. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Well, darling, let's discuss our tactics. I will be mad and you will be possessed. That is the only way to fight this world. That is the only times when we're at our best. Hey, darling, darling, darling, darling, my sacred darling. Célestine à la pourrie, il fait les cons devant des Ben oui, j'adore le jazz, surtout lorsqu'il y a des demi-silences. Décidément, j'adore le jazz. Je m'appelle Contran, j'adore le jazz. La, la, la, la, la, la, la. Ma voile est le disque rayé de ma chanson. Je vire en rond la fontaine ou la gare aigrule à la question. Mégots sur mégots, je laisse aller mes démons. Je me sens con. De verre en verre, de mer et d'Ilie. Carcasse de cadavre au relent ou nostalgique. M'en allant chanter la sirène à la rivière au sapin. Je m'appelle Gontran, je m'appelle Gontran, je m'appelle Gontran. J'ai quelque chose à ajouter, vous. Parfum incandescent, le cerveau égaré, l'alcool embrasé. Je souris, je suis bien, comme si tout était fermé. C'est vrai, d'ailleurs, il faudrait que j'en reprenne. Mais sur Facebook. Ah ouais, il n'avait pas Facebook, lui. Il était jeune, hein, il avait 12 ans. Non, mais sa mère, si tu veux. Mais sa mère a peut-être Facebook. Ben oui. Moi, j'ai un problème, je perds tous mes téléphones. Du coup, je perds très souvent mes contacts. Ah, c'est triste. Voilà. Ah, c'est triste. Donc, voilà. Là, c'est un contact que j'ai effectivement perdu. Mais tu connais le nom et le prénom, donc sur Facebook, ouais, tu peux facilement retrouver. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais dû te poser la question au début. C'est connu Aubry. Aubry, est-ce que c'est courant en France? Parce qu'au Québec, oui. Ouais, c'est courant. Ben, on a Martine Aubry, tu sais, qui est ministre. Mais ça n'a aucun rapport avec toi? Non. Okay. Mon père est suisse. OK. Donc, et ta mère française? Ma mère française. Et, suisse d'où? Du Jura suisse, okay. Neuchâtel, oui. Le Noirmont, précisément. Ah, oui. Et voilà, et du coup, nous, on vient de Suisse, en tout cas, enfin, ma famille vient de Suisse depuis et assez longtemps. Racine, la scène. Voilà. Ouais. Mais après, je retrouve plein de Aubry, oui, par là. Il y a une marque de coiffeur qui s'appelle Aubry. Il y en a pas mal, ouais. Okay. Et donc, toi, t'es constamment dans la création ou si tu t'offres des vacances comme tout le monde Ah si, c'est nécessaire. Non, il faut sortir. Enfin, on peut sortir d'un projet avec un autre projet, c'est faisable, ouais. Mais moi j'aime bien me reposer et ne et rien faire aussi, chiller et voilà. Et qu'est-ce que tu fais pour te reposer? Tu vas à la plage ou tu restes à la maison? Je vais, non, je m'évade, je sais pas, je me fais des petits week-ends, donc, tu vois, genre le dernier, là, c'était, on a été à Auvers-sur-Oise. C'est beau. Bah ouais, puis mon copain il est peintre, alors grande ville des peintres, il avait envie d'aller voir ce que ça donnait, qu'est-ce qui avait pu les inspirer. Et... Mais bon, même là-bas, on s'est retrouvés à danser, tu vois. Ouais. Est-ce que ton copain t'influence au niveau pictural? Est-ce qu'il doit parler de peinture et autant que toi, tu dois parler de danse? Est-ce que mutuellement, vous enrichissez? Moi, je pense que je retrouve un premier amour avec lui parce que quand j'étais petite, j'étais très peinture, très manuelle. Ah ouais? Tout ce qui est art plastique, art manuel, ouais. Et en fait, on s'est rencontrés, le premier jour où on s'est rencontrés, on est allé peindre dans la rue des Flamants Roses, quoi, tu vois. Ah, t'étais dans la peinture? Ouais, enfin, il m'a dit, viens, on va peindre. Et puis, on est allé peindre avec plein d'autres gens, enfin, on était quatre. Hein. Puis, en fait, au début, on se voyait beaucoup parce qu'il faisait des trucs et que moi, je disais, mais je peux venir avec toi, j'ai envie de peindre, quoi. C'est trop bien. Et puis, lui, il est hyper ouvert comme ça, ce qu'il veut, viens. Il est comme toi, il est très ouvert. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et du coup, on s'est rencontrés aussi autour de ça. Il a moins de facilité à aller vers la danse, mais je pense que c'est plus parce que... Son corps... Ouais, il a eu des problèmes de dos, okay, donc tu vois, il y a un truc où il est un peu plus prudent, voilà. OK. Il barre souvent du dos, comme on dit chez nous, barrer du dos. C'est vrai? À un moment donné, tu peux plus... ça fige. Il barre du dos, c'est ça, c'est exactement ça. Barrer du dos. Ah, je vais lui dire. Mais ça donne l'image, hein? Quand tu es barré, tu peux plus te plier, donc il faut que tu te débarres. C'est ça. Puis quand tu te débarres, bien, normalement, tu vas avoir un physio. Un physiothérapeute. Ah, nous, c'est plutôt les kinés. Ah, mais chez nous, on a des ramancheurs. Des ramancheurs, c'est un peu des sorciers. Les rebouteux? Non. Peut-être rebouteurs en France. Ils n'ont pas de formation. OK? Des ramancheurs, c'est des gens qui arrivent quand même à te débarrer. avec des techniques, le coude. Mais on ne sait pas d'où ils prennent ça. C'est comme des Africains qui, tu sais, des messes noires, je ne sais pas. Mais avec la technique là, du doigt puis de la pression, tu sors de là, tu as mal partout le lendemain, et c'est fini. Puis c'est pas un professionnel, il n'y a pas de ça à l'université. C'est fou. Un ramancheur. Ouais. Okay. Ouais. Mais écoute, c'est quoi votre similarité, le nom que tu m'as dit? Un rebouteux, non? Un rebouteur? Rabouteur, oh là là, je sais même plus. Tu m'as embrouillé avec ton ramoneur. OK, mais le rabouteur ou le ramoneur, lui, est-ce qu'il y a une formation? Non, je crois pas. Okay. Mais j'en connaissais un, là, il était cordonnier. Okay. Et il venait aux zèbres. C'est la même chose que chez nous. Il venait aux zèbres et puis toujours comment ça va, il teste un peu, tac tac, 2-3 points. Et... Mais il sait que t'as mal au dos, que t'as. Ouais, c'est ça, que il te voit. Stressé. Fatigué c'est un ça. Peu, hein, fatigué. Là, juste avec ça. Oh, ouais, je sens que t'as un nœud. Ouais, c'est un ça. Le ton-ton-conque, tu sais, ça fait un crunch, c'est fini. Mais c'est quoi, on dirait que c'est des magiciens? Bah, ouais, un peu. Bah, après. Des sorciers. Ils ont peut-être une bonne connaissance du corps, instinctive. Hein, ouais, tu c'est vois, ça. Je crois. Mais j'ai beaucoup. J'irai beaucoup plus vers lui, même si j'ai pas eu à m'y rendre. Voir ces gens-là que d'aller voir un professionnel. Ah ouais? Ben, parce qu'un professionnel, hein, c'est très scientifique. Ouais. Tandis que l'autre va à la vibration. Puis je trouve que la vibration a beaucoup plus à dire que la science. Hey, je suis content de t'avoir vu. Ouais, je suis content de t'avoir vu. Puis j'espère que tu vas continuer. Et avez-vous des projets d'aller danser en Suisse, en Belgique, un peu partout dans le monde? Bah, encore une fois, je pense que ça va être un peu à l'opportunité, tu vois, si on rencontre quelqu'un qui nous dit « Ah, bah, moi, ça me ferait plaisir de vous voir là-bas, peut-être que... » Ben, on peut pas dire non, hein? Voilà. Quand même, c'est un cadeau, là. Voilà. Mais donc, t'es encore ouverte à tout, tu te fermes jamais à des propositions... Enfin, tu vois, encore une fois, c'est... Ouais, c'est à chaque fois, est-ce que c'est possible, pas possible. Là, moi, j'ai un cousin en Suisse qui m'a proposé de venir peut-être travailler avec lui l'année prochaine sur un projet danse, théâtre et tout. Ben voilà, du coup, je serai en Suisse, tu vois. Mais pour que ce soit assez synthétique, pas trop longtemps. Je sais pas. Ah oui? Je sais pas. Amener ton copain? Bon, peut-être. Ah, pour des vacances. Il a plus de facilité à me suivre que j'en ai à le suivre. Mais lui, c'est un voyageur. Toi, t'es plus sédentaire. Ouais, ouais. Lui, il est voyageur et puis surtout, il est très solitaire. Il travaille très seul. Donc, du coup, il peut se permettre d'aller travailler n'importe où, quoi. En étant solitaire, vous voyez, mais à l'occasion? Non, on habite ensemble. OK, donc. On se voit fréquemment. C'est très. Non, enfin, on cohabite bien, je trouve. Puis vous avez le même langage que la création, donc vous n'avez pas